Bienvenue au 29e épisode du podcast des mots. Le podcast des mots est une présentation des mots. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Je vais vous parler maintenant de Alien Covenant, réalisé par Ridley Scott. C'est la suite de Prometheus du même réalisateur fait 5 ans plus tôt. Une série de films préquels à Alien qui fera peut-être plus de films que la série originale, si on le laisse à son intention. J'aime beaucoup Alien et sa suite Aliens. Un peu moins les deux suivants, mais ils sont tout de même intéressants. Je devrais revoir Prometheus, étrangement, je ne m'en souviens pas tant que ça, mis à part que dans mes souvenirs, j'avais été plutôt déçu. Pas nécessairement un mauvais film, mais rempli de longueurs, se voulant trop prétentieux, cherchant inutilement à créer l'épique. Ce nouveau Alien me semble plus réussi. On est beaucoup plus proche de l'ambiance du premier Alien sans que ce soit le même trip, même s'il y a clairement des références, notamment le style du générique. On a des décors très bien, des personnages suffisamment intéressants, une photographie assez réussie, une musique qui rappelle le Alien original et fait bien le travail, le tout est bien maîtrisé. Le film n'est bien sûr pas parfait. Quelques scènes font effectivement encore en une fois un peu trop prétentieuses, mais ça m'a semblé moins abusé et plus confiné. Quelques rares éléments m'ont semblé d'une vraisemblance un peu étirée. C'est sans doute un tantinet trop prévisible. Et puis la voix de l'ordinateur me tombait un peu sur les nerfs. En tout cas, dans la version française, oui, honte à moi. Je suis curieux de voir ce que donneront les deux films suivants prévus, ou plus, s'il y en a plus. Le réalisateur a semble-t-il l'intention de laisser la porte ouverte. Ou moins, si 20th Century Fox veut payer, parce que ça me semble plutôt surprenant vu que le film n'a pas marché tant que ça et que Fox a été racheté par Disney depuis. Si vous vous souvenez de mon système de cotation, qui est sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise, et 0 à une nullité, telle que M. Trump, je lui donne donc une note de 3 sur 5. C'est un divertissement tout à fait honnête et réussi. À la prochaine.